la Grèce, l'Europe du Nord et de l'Ouest. Le Péloponnèse est une péninsule et ne le cède en illustration aucun pays. Placé entre la mer Égée et la mer Ionienne, il a la forme d'une feuille de platane, à cause des anfractuosités anguleuses de ses côtes. Le ponton s'en élève à 563 milles d'après Isidore, et presque au double si on compte les détours de toutes les baies. Le passage étroit qui l'unit au continent s'appelle l'isthme. En ce lieu, les deux mers susdites, faisant irruption de deux côtés opposés, dévorent, au nord et au levant, toute sa largeur. Et l'action contraire, de deux masses d'eau aussi énormes, usant à droite et à gauche les flancs du Péloponnèse, le réduit à un espace de 5 milles, 7,5 km, col étroit par où il tient à l'Hélade. Les deux golfes sont appelés l'un golfe de Corinthe, l'autre golfe Saronique. Cet isthme force à une longue et dangereuse circumnavigation les navires d'un tonnage trop fort pour pouvoir le traverser sur des chariots. Aussi, le dessein de le couper par un canal navigable a-t-il été conçu par le roi Démétrius, le dictateur César, l'empereur Caius et Domitius Néron. Entreprise malheureuse, ainsi qu'il a montré le sort de tous ceux qui l'ont tenté. Au milieu de cet intervalle, que nous avons nommé l'isthme, se trouve Corinthe, colonie. Elle contemple deux mers du haut de sa citadelle, nommée l'Acro-Corinthe. En face de l'embouchure du Rhin est l'île de Bretagne, notre Grande-Bretagne, célèbre dans les textes des Grecs et dans les nôtres. Située entre le nord et le couchant, elle est, à une grande distance, en face de la Germanie, de la Gaule et de l'Espagne, qui sont de beaucoup les parties les plus considérables de l'Europe. Elle portait le nom d'Albion lorsque celui de Bretagne était donné à toutes les îles dont nous parlerons bientôt.